Bonjour à tous, Jean-Robin journaliste. 233e vidéo réservée aux souscripteurs, à tous les souscripteurs. Donc pour avoir des précisions sur la souscription, vous allez dans la description de cette vidéo. Vous cliquez sur Patreon, vous aurez accès aux 3 souscriptions que je propose. Alors, je suis connu pour ne pas me laisser faire, que ce soit en débat ou par la censure. Je lutte contre la censure depuis 16 ans maintenant, que je suis journaliste professionnel. Et donc, je ne vais pas me laisser faire non plus par des gens qui sont censés être proches de moi idéologiquement, mais qui me censurent. Voilà. Je dois constater les faits, je dois tenir compte du réel, parce qu'on ne fait pas de politique en dehors des réalités. Or, je constate, tristement, que TV Liberté me censure. D'accord ? Donc, depuis un an et demi que la Chine a lancé cette attaque biologique, et même un peu plus maintenant, contre le monde, et donc a déclenché la Troisième Guerre mondiale, et que je le dis, donc depuis au moins avril 2020, le 2 avril, ma première vidéo, TV Liberté n'a pas jugé utile de faire connaître cette thèse à leur public. D'accord ? Donc ça, c'est un problème. Et là, je parle vraiment de censure, parce que les mots ont un sens, et que faire croire à tout le monde, dans certains milieux, que la Chine n'y est pour rien, voire qu'elle est la victime de tout ça, c'est criminel. Et c'est vraiment aller dans le sens du gouvernement, donc, qui collabore donc avec la Chine communiste. Donc, après plus d'un an de censure, j'ai envoyé, suite à un tweet de Martial Bild, un des responsables de TV Liberté, j'ai envoyé une réponse pour essayer d'en savoir un peu plus. Alors je vous lis son tweet du 12 août 2021. Alors que chaque nouveau jour confirme que le patient zéro du Covid sort d'un laboratoire de Wuhan, entre parenthèses rapporteur de l'OMS, chaque nouveau jour confirme que le contrôle numérique de la population française sort, lui, des esprits des dirigeants communistes chinois. Hashtag Wuhan, hashtag OMS. Donc là, je me dis, tiens, ça change un peu de leur propagande habituelle sur la Chine communiste, qu'ils défendent. Et donc je réponds, cher Martial, par un tweet, hein, par un commentaire sous son tweet, « Cher Martial, c'est ce que j'explique et que je démontre par mes enquêtes depuis un an et demi, sans pouvoir le dire pour l'instant à vos spectateurs. Si j'ai raté quelque chose, dites-moi. » Et comme je suis le seul à le dire en plus, c'est pas compliqué, si on me censure moi, on censure la thèse dans son entier. C'est ça qui est le problème. Alors il m'a répondu, « Nous nous contacterons directement à mon retour. » Bien. Donc, j'ai attendu son retour, tout début septembre, même fin août, et n'ayant pas de nouvelles, je l'ai relancé de différentes manières, par Twitter, par TV Liberté, leur site, etc. Et je n'ai eu aucune réponse, et on est le 11 septembre. Voilà. Donc, c'est pas normal, et j'estime que c'est de la censure. Voilà. Ça fait déjà plus d'un an et demi, donc je n'aime pas être mené en bateau comme ça. Nous nous contacterons directement à mon retour. C'est pas vrai. Il a menti. Voilà. Il me mène en bateau. J'ai horreur de ça. Il aurait pu me dire, bah écoute, oui, je reviens vers toi, ne t'inquiète pas, ou je sais pas quoi. Rien. Pas de son, pas d'image. Donc là, c'est pas normal. Et donc, encore une fois, ça fait un an et demi. Donc voilà, c'est tout. Et je vais vous démontrer donc dans cette vidéo que TV Liberté roule en fait pour la Chine communiste. Et ses affidés, comme le professeur Raoult, dont il ne cesse de faire l'apologie en permanence, Florian Philippot, etc. Donc, je vais analyser les relations de TV Liberté avec la Chine communiste à travers l'analyse de certains de leurs reportages, que j'avais notés en mars, par exemple, de leurs animateurs, dont vous aurez la liste plus ou moins exhaustive, et leurs tendances à chacun, et par l'analyse de l'e-book d'août 2021 de Pierre-Antoine Plaquevent, intitulé « Société ouverte contre Chine, le choc des globalismes, Chine et gouvernance mondiale, route de la soie, guerre hors limite, géopolitique, géosophie ». Et donc, parce que cet e-book a été édité par TV Liberté, qu'ils en font la promotion. Donc je l'ai lu intégralement, et je vais l'analyser pour les souscripteurs. Voilà, c'est quasiment un livre, fait une centaine de pages, à 4. Très intéressant. Voilà, à tout de suite pour les souscripteurs, à bientôt pour les autres.